Formation de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Ben, on va parler des Rapides de Dolbeau-Missisni. Rapides de Dolbeau-Missisni qui ont remporté en fin de semaine un tournoi à Princeville au cours de la dernière fin de semaine. Les Rapides qui ont gagné dans la catégorie 2C. Ils ont défait en grande finale les Panthères de Nicolas 6-3. En demi-finale, les Rapides ont gagné 2-1 contre les Braves d'Annecy. Et en quart de finale, victoire des Rapides de 8-3 sur les Jets de Laval. Parlons maintenant d'un tournoi amateur qui a eu lieu ici même au complexe sportif du secteur de Dolbeau-Missisni. Il y avait 14 équipes qui étaient au programme au cours de la fin de semaine. Donc, il y en avait 4 dans la catégorie des 50 ans et plus. Donc, dans la catégorie intermédiaire, les Spartans ont défait les Wolfpack 4-3. Et dans le groupe A, gain du Frigon électrique 2-1 sur les Slaves. Parlons maintenant du côté Alex Bussière de Dolbeau-Missisni. Il a remporté en fin de semaine une compétition à Sherbrooke. Lui et son équipe ont gagné les 4 fois 100 mètres avec un temps de 3 minutes 24 secondes, ce qui donne à Alex Bussière et son équipe le troisième meilleur temps au pays. Alex Bussière a réalisé un temps de 50 secondes et 5 centièmes dans son segment de course. La prochaine compétition aura lieu à Gatineau dans 2 semaines. On va parler maintenant de curling. On en a parlé hier dans la section entrevue de danradiosport.com. Marc-André Galland et son équipe, l'équipe de Christopher Gagnon, a remporté des grands honneurs au tournoi de Chicoutimi. Et en entrevue sur les ondes de danradiosport.com, Marc-André Galland a mentionné qu'il a été quand même surpris de voir son équipe remporter la victoire. Parcours sans faute avec 5 victoires, 0 défaite. La position était quand même relevée. C'est ça qui était un peu surprenant en fin de semaine. Les meilleures équipes étaient là, mais on a joué du très gros curling. Mm. Je vais te dire que l'équipe là, est en pleine possession de ses moyens. Ils ont vraiment été vraiment dans l'embarras. Fait que, Et pour Marc-André Galland, ça pourrait donner un certain momentum d'ici la fin de l'année, mais en termes de sport, il ne faut pas atteindre son pic trop vite, explique l'instructeur de l'équipe de Christopher Gagnon. Oui, à la fin de l'année, est encore loin. Ouais. Tu sais, la destination ultime qui est Edmonton, dans notre cas, c'est juste à Pâques. Puis d'ici là, il reste 3 grosses compétitions. Il reste deux autres tournois réguliers du circuit qu'on va se servir de ça pour faire des ajustements. Ouais. Puis on est déjà qualifié pour le tournoi ultime qui va avoir lieu à Sorel à la fin du mois de février. Okay. Et les rénovations Saint-Georges Vézina annoncées dimanche, dans le Progrès Dimanche, sont loin de faire l'unanimité. Hier, sur les ondes de danradiosport.com, l'entraîneur des Comètes de Chicoutimi, collaborateur ici même à danradiosport, David Simard, explique évidemment que ça ne fait pas nécessairement l'affaire du patinage de vitesse et selon lui, c'est un recul pour le patinage dans la région. Oui, okay. Parce que comment que la structure de fédération est faite, on a une progression en pyramide. Puis les centres régionaux d'entraînement qui sont dans les centres olympiques, dans les anneaux des glaces olympiques, soit à Québec, à Chicoutimi, il y en a un dans le coin de Matane, il y en a un dans le coin de Drummondville, il y en a un dans le coin de Sherbrooke, il y en a dans plusieurs régions du Québec. Ça permet de recouper les meilleurs patineurs de ces régions-là. Puis c'est une étape avant d'arriver aussi dans les centres nationaux. Soit dans les centres de développement, comme Marc Gagnon s'était déjà passé, là, au Centre régional de l'Est du Canada, où nos patineurs vont souvent, à rendre au cégep ou après la deuxième année de cégep, et après ça, d'avoir l'équipe nationale. Ôter ce circuit-là, nos patineurs sont obligés de s'exiler pour aller patiner dans des centres régionaux, exemple, à Québec et Montréal. Fait que ça veut dire qu'à 12-13 ans, là, tu te dis, t'as un jeune en secondaire 2, secondaire 3, secondaire 1, faut performer, là, si tu veux performer vraiment, mon homme, là, faut être à l'extérieur, là, on n'a plus de glace olympique pour toi. Tu veux vraiment aller, c'est vraiment là, pour aller chercher une meilleure vitesse, tout ça. Oui, on peut quand même s'entraîner sur une glace nord-américaine. Mais on ne pourra jamais faire les mêmes types de vitesse. On ne pourra jamais faire le même niveau de sécurité. Et ce que David Simard déplore, c'est que la ville Saguenay n'a pas mis au courant l'organisation des Comètes de Chicoutimi pour ce projet. Ils ont développé des arénas dans les dernières années, parmi les plus belles. Tu regardes notre aréna de Lucac à Chicoutimi. Moi, je parle de ville Saguenay parce que je suis ici. Tu regardes l'aréna de la baie, qui est justement l'aréna Valérie-Matin, il aurait pu nous consulter d'avance en disant, mais regarde, on a un projet de faire une glace nord-américaine. On peut rénover ces arénas-là. Tant qu'à construire, on va mettre un montant de plus pour faire un aréna olympique. Puis vous, on vous transférez là. Est-ce que ça vous dérange? Non. C'est sûr que, pour une région comme nous, exemple, au centre d'Angle-Gagnon, les compétitions qu'il y a, ou le club des Comètes de Chicoutimi, c'est un peu une, une arrivée d'argent pour payer le salaire des entraîneurs, pour payer des choses, c'est un moyen de financement aussi des compétitions, en fait, 3 par année. Moi, je trouve ça assez difficile, tu sais. Puis la région, par exemple, si moi, mon centre régional, ce qui nous avantage, c'est que tout le monde n'y revient pas, la distance, c'est la distance. Ça a des avantages, mais en même temps, un désavantage, c'est que ceux qui viennent à Chicoutimi viennent deux ou trois fois par semaine, viennent s'entraîner, ils font ce voyagement, mais eux, ils sont là pour la performance. Puis c'est comme ça qu'on se développe. Fait que là, on va retourner. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Dominique Bolduc, des descripteurs des matchs des Marquis de Jonquière à CKJ. Je me suis également entretenu aussi avec Robert Dubois, où on parle de la performance exceptionnelle de Marianne Saint-Gelais. Et on a également parlé, et aussi avec David Simard, pour parler de la belle performance de Karina Momigny en patinage de vitesse la semaine dernière. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.